Il est écrit, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je désire être en communion avec toi, précieux Saint-Esprit. La force de dominer le péché. Bien que toi qui peux nous transformer à l'image de Christ. Ô précieux Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Dirige mes pas vers l'accomplissement de ce que tu as prévu pour moi. Aide-moi à devenir l'homme que tu veux que je sois. Que j'aime ta présence. Où irions-nous? Que ferions-nous sans toi? Parce que sans toi je ne peux rien. Où est mon corps davantage? Comme ton onction nous enseigne toutes choses. Et quelle est la véritable? Aide-nous à demeurer en toi, loin du mensonge de ce monde. Un potier, donne-nous la forme qu'il nous faut. Qui suis-je sans toi? Oh, pas de puissance sans toi. Esprit de sagesse, esprit de force et de puissance. Bilaoué,